c'est un plaisir. Vous me donnez 3 quarts d'heure, c'est ça, la règle du jeu. Okay. Alors, d'abord, je vais peut-être me présenter aussi. Donc, je ne suis pas historien, je crois que vous êtes tous historiens, c'est ça, ouais, donc excusez-moi. Non, je suis sociologue, mais en fait, ce travail-là repose sur des archives, mais donc, et vous avez raison de le préciser. Alors, je dis d'emblée sur quoi je travaille. En fait, mon champ de recherche, c'est à la suite de Bloch, on peut appeler les utopies concrètes. Alors, c'est une proposition de définition des utopies concrètes dont le familistère est juste un cas de figure. Donc, ce qui m'intéresse, ce sont des expérimentations avec les 4 caractéristiques que vous avez sous les yeux. Hein. Elles sont réelles, collectives, situées et souvent morales. C'est-à-dire qu'elles emportent avec elles toute une série de prescriptions relatives à la façon d'agir et de penser. Et Godin est un moment dans un programme de recherche plus général. Donc, j'indique 2 autres moments qui ont suivi après Godin pour vous donner l'esprit de la façon dont j'ai essayé de procéder. J'ai travaillé après sur des communautés de hackers aux États-Unis aujourd'hui. Et là, je viens de finir un travail sur les communautés intentionnelles aux États-Unis. Donc, je suis vraiment dans la question des espaces communautaires. J'utilise pas le terme institution disciplinaire, mais on pourra en discuter. Mais je pense qu'il y a un lien avec vos préoccupations en termes de communauté, quoi, et j'essaye de thématiser ça comme ça. Alors, la question de l'institution, pour un sociologue, forcément, elle est centrale. Une façon de la voir, c'est de la définir comme un processus multipolaire. Alors, j'essaye de prendre l'institution vraiment en dynamique, et grosso modo, comment ça fabrique des choses. Et sans surprise, à partir de Durkheim, en tous les cas, j'essaye de dynamiser Durkheim en disant qu'il y a 4 composantes qui permettent de penser le mouvement d'institution. Il y a un mouvement d'individuation, grosso modo, comment on construit l'individu dans ces espaces communautaires. Le mouvement d'intégration, comment on fait lien dans ces espaces-là. La question de la régulation, qui est la question de la production des règles sociales. Et la question de la division, je reprends une terminologie de Bourdieu, de division, c'est-à-dire la façon de construire des représentations du monde qui sont souvent basé sur des oppositions binaires. Voilà. Alors, je ne veux pas être plus long sur le préalable, mais c'était pour vous dire dans quel espace je me situe. Et sans plus attendre, donc je vais parler de Godin. Alors, je vais le faire en 2 grands temps principaux avec une petite réflexion finale, mais j'espère ne pas être trop long. Donc, je voudrais rendre compte d'abord de la façon dont s'est inventé le familistère, notamment sous l'égide, vous l'avez dit juste un instant, d'un entrepreneur privé mais qui avait cette caractéristique d'être membre de l'école sociétaire, hein, donc un militant de la cause fourriériste. Et après, je vais regarder comment fonctionne précisément l'institution familistérienne à partir de toute une série d'éléments qui, je pense, feront écho à vos préoccupations. Donc, je démarre sur le premier point, sur l'invention d'une communauté productive. Alors, en disant que, premier point, trajectoire et morale, pour faire référence à celui qui est la figure emblématique de cette communauté, puisqu'il en a été le fondateur, et que si vous allez à Guise, alors juste précision terminologique, là-bas ils disent Guise, donc c'est pas une coquetterie de ma part, c'est juste, ça vient du gué sur l'Oise, donc ça a donné Guise. Est-ce que j'ai dit aussi. Ah d'accord, c'est parfait, alors très bien, excusez-moi. Non, mais je préfère. Non, parce que parfois ça paraît un peu coquet, quoi, mais donc c'est le temps. Bon, alors, donc Godin, première chose, c'est que c'est quasiment à quelques années près le contemporain de Marx. Hein, parce que je crois que Marx c'est 1818-1883 et Godin c'est 1817-1888. Donc un entrepreneur. Alors ce qui est intéressant c'est que c'est quelqu'un qui vient vraiment du monde populaire. Hein, et c'est vraiment pas du tout, à la différence de Marx précisément, quelqu'un qui est issu d'une famille bourgeoise. Au contraire, là, c'est vraiment petit monde de l'artisanat rural. Son père travaille dans la ferronnerie. Et donc, il a laissé quelques notes autobiographiques qui sont un peu hagiographiques quand même. Hein. Il se met lui-même en scène, mais il raconte ses conditions de vie donc, dans l'Aisne, en allant à 1 heure à peu près au nord-est de la France. C'est quelqu'un qui, comme beaucoup hein, dans cette période-là, ne va pas très longtemps à l'école. Il sort de l'école très tôt, à l'âge de 11 ans. Donc il a vécu dans des conditions relativement rudes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait un tour de France à partir de 1835. Il le fait en compagnie de son cousin, un dénommé Jacques Moret. C'est lui-même qui raconte ça, mais en tout cas, l'expérience du Tour de France est pour lui l'occasion de toucher du doigt la misère ouvrière. Et donc, dans l'histoire romancée qu'il se raconte à lui-même et qu'il met en scène dans ses mémoires, se dit, je me suis juré de faire quelque chose pour résoudre le problème de la question sociale. Et à ce moment-là, vous le savez, il y a deux grandes réponses, au fond, qui sont proposées, en tout cas sur le registre des utopies. Il y a Cabet d'un côté et Fourier de l'autre, quoi, hein. Donc l'offre idéologique, si j'ose dire, est celle-là. Et c'est plutôt Fourier pour lequel il va opter. J'y reviens. Alors, il fait son tour de France de 1835 à 1837. Il revient s'installer donc dans le petit village d'où il était originaire. Et très vite, il lance il se fait entrepreneur et il se lance dans la fabrication de fourneaux et d'appareils domestiques de cuisson. Vous connaissez tous, hein, j'imagine, les fourneaux Gaudin. Mais il faisait aussi beaucoup de cuisinières donc à bois pour pouvoir. Bon. Et ça marche assez bien. Et il déménage ensuite en 1840 à Guise. Donc c'est là qu'il va commencer à s'installer à Guise. Et donc, je ne vais pas reprendre tous les chiffres, mais il y a une réussite économique. Je reviendrai sur les éléments de la réussite économique, hein, qui ont été déterminants. Mais très clairement, c'est l'histoire d'une success story sur le plan économique de la part d'un capitaine d'industrie qui a compris qu'il y avait des ficelles à tirer sur le plan économique. J'y reviendrai pour pouvoir s'en tirer. Alors, c'est quelqu'un qui, par ailleurs, donc très vite, à une figure par excellence de la figure de l'entrepreneur paternaliste, hein. Mais ce qui est assez amusant, alors vous ne verrez pas, mais c'est que dans sa vie familiale, c'est la catastrophe absolue, donc paternaliste pour ses ouvriers, mais alors sur le plan familial, c'est la catastrophe. Là, c'est une lettre à son fils, extrait des archives. Alors les archives étaient au CNAM, je travaille au CNAM, donc pour moi, c'était génial, hein. Donc, juste, on pourra reparler de la méthodologie si vous souhaitez, mais... donc, il rompt assez rapidement, enfin, il rompt avec son fils. Sa femme, sa première femme, ne veut pas le suivre quand il va s'installer au Familistère. Donc, il va mettre 19 ans à gérer la séparation. Et finalement, deux ans avant sa mort, il va épouser la fille de son cousin, avec lequel il a fait son tour de France, qui s'appelle Marie Moret. Et ils ont vécu pendant très très longtemps en concubinage à l'intérieur du Familistère. Ce qui est intéressant parce qu'après il y a un discours aussi sur la relation, les relations, les normes de vie familiale au sein du Familistère, mais qui renvoie à sa propre expérience également de rupture amoureuse et de recomposition familiale qui a toujours été... alors je peux le faire passer d'ailleurs, il a écrit un petit texte qui s'appelle « Le mariage est un reste d'esclavage ». Quand je vous fais passer, j'ai trouvé que j'ai fait éditer dans une petite maison d'édition. Donc je peux vous le faire tourner si vous voulez. Et donc il se marie avec Marie Moret. Et comme souvent, j'ai travaillé sur la femme de Max Weber, Marine Weber, que vous connaissez peut-être, qui est aussi une sociologue. Les femmes s'effacent derrière le grand homme pour mettre en œuvre, pour éclairer, hein, l'œuvre. C'est exactement ce qu'a fait Marie Moret après la mort de son mari. Elle a édité toute une série de travaux de Gaudin. Alors Gaudin, c'est un autodidacte, hein. Fondamentalement, et une de ses premières références qui va durer, en tout cas c'est ce que j'essaie de montrer dans le bouquin que j'ai fait sur le sujet, jusqu'en 1878 exactement, l'influence déterminante c'est Fourier, et vraiment le projet c'est de mettre en musique les préceptes fourieristes, hein, les préceptes de l'école sociétaire dans le monde productif et puis dans la façon de gérer les ouvriers pour essayer de répondre aux défis de la question sociale. Ceci dit, c'est un fourriérisme qui reste un fourriérisme qui n'a rien à voir avec le Fourier libertin qu'on a découvert après 68. Hein. C'est un Fourier qui met l'accent sur un projet qui est l'association du capital, du travail et du talent. Et Gaudin va reprendre, hein, quelques-uns de ses préceptes, j'y reviendrai ensuite. Alors, deuxième référence, c'est Kant. Alors, c'est assez étonnant de voir, pour quelqu'un qui est sorti de l'école à 11 ans, il a rempli des pages, il a meursi des pages de cahiers dans les archives, hein, où il a lu au moins en détail les deux premières critiques de Kant, et il y a derrière cette lecture la conviction qui est progressivement acquise, c'est qu'il faut forger une morale universelle au profit des hommes, et donc en tant qu'entrepreneur et en tant que fourriériste, il faut travailler à la mise en pratique de cette morale universelle. Ça, c'est la deuxième ressource, et puis... il y a une troisième ressource importante chez Gaudin, c'est Swedenborg. C'est-à-dire que, comme beaucoup de socialistes ou d'intellectuels de l'époque, il n'échappe pas au mouvement spiritiste. Et donc, il lit Swedenborg, il fait sienne l'idée qu'il y a différents mondes parallèles, qu'on trouvera la même chose chez Fourier, et qu'il y a des homologies hein, entre ces mondes parallèles qui vont du minéral à l'humain, en passant par le végétal, etc. Et on trouve d'ailleurs dans les archives de Fourier beaucoup de ces dessins qui ne sont pas de lui, mais donc la phrénologie, vous le savez, était à la mode, et on retrouve cette tentative de repérer très concrètement ces homologies en repérant dans le crâne des espaces qui correspondent à des préoccupations sociales du moment liées à l'hygiénisme, l'espace, la pure, la lumière, etc. Voilà. Donc c'est un homme qui est fondamentalement autodidacte. C'est par ailleurs un homme qui est très influencé par la question féministe qui commence à émerger, ce qu'on appelle la question de la femme. Et donc il fait volontiers sienne, j'ai oublié le nom du grand homme qui a promu l'égalité dans la différence, qui fait des cours au Collège de France à l'époque, j'ai oublié son nom. Enfin bref, c'est pas très grave. Et donc, vous le voyez en bas à droite, notamment il y a des conseils de gérance du Familistère qui sont des conseils paritaires. Hein, et son féminisme, je pourrais te sortir des citations, consiste à dire les hommes et les femmes ont des droits égaux. Hein. Mais, comme vous le voyez en haut à gauche, quand il s'agit de gérer l'entreprise en tant que telle, le nombre de femmes diminue singulièrement, ça reste quand même une affaire d'hommes. Hein. Mais il y a une promotion de la question féminine, qu'on retrouve d'ailleurs dans le mariage est un reste d'esclavage, qui consiste très très concrètement à accepter qu'au familistère, par exemple, les femmes aient les cheveux courts, par exemple, que tout le monde ne soit pas nécessairement marié, qu'on puisse vivre à la colle. Ceci dit, quand on regarde les chiffres, en fait, la grosse majorité des gens étaient mariés en réalité. Hein. Donc il y a un petit écart entre le discours, j'ose pas dire libertaire, mais qui était promu, et puis les pratiques. Voilà. Alors il y a toute une autre série de valeurs hein, qu'on retrouve mises en évidence dans les propos et dans les écrits de Godin, qui a beaucoup écrit. Outre le féminisme, le pacifisme est une valeur qui lui tient à cœur. Et bien sûr, il se revendique socialiste, mais d'un socialisme pragmatique. C'est-à-dire que c'est un socialisme qu'il s'agit de mettre en perspective à l'épreuve du quotidien. Donc voilà pour le personnage, et puis on pourrait en reparler sur son rapport à l'école sociétaire de façon plus... Alors, deuxième point, vous ne voyez pas, mais c'est Godin et la question sociale. C'est le deuxième point que je voulais évoquer, pour dire que ce qui a fait la singularité de Godin, et ça on le trouve très clairement dans ce qui est son maître ouvrage, qui paraît en 1871, qui s'appelle « Solutions sociales », donc un gros livre. L'idée, c'est qu'on se trompe en voulant résoudre la question sociale par le biais de la richesse. Il ne s'agit pas simplement d'accroître le niveau d'enrichissement des ouvriers. En fait, là, pour résoudre la question sociale, le meilleur moyen de faire, c'est de trouver des équivalents de la richesse. Donc c'est vraiment la thèse majeure de Godin. Et pour cela, la première réponse, c'est de loger dignement et convenablement ces ouvriers. Donc je vais revenir lorsque je parlerai de l'institution familistérielle. Donc c'est une première réponse très concrète à la question sociale. Il y en a d'autres. Il y a l'information. Et donc, il lance un journal qui, en 1878, le premier numéro, qui s'appelle Le Devoir, et qui va durer assez longtemps, puisque le dernier date de 1906, si ma mémoire est bonne. Et c'est une mine d'informations pour qui s'intéresse à la question ouvrière, au féminisme, aux relations internationales, etc. Parce que là, vraiment, il y a des tas de choses. Quoi, hein. Donc, c'est un moyen, surtout pour lui, de mettre en valeur ce qu'il fait au Familistère. Hein. Donc, pour travailler sur le Familistère, c'est extrêmement intéressant. Le logement, la presse. Par ailleurs, il y a un engagement politique de Godin. Donc, Godin, à partir du début des années 1970, aura trois mandats politiques à la fois. Il a été maire de Guise, il a été élu au Conseil général, et puis il est aussi élu à l'Assemblée. Alors il ne fait pas des étincelles, mais il rentre à l'Assemblée en 71. C'est une forme assez classique hein, de paternalisme politique qui l'incarne. Donc vous voyez, l'idée c'est les équivalents de la richesse. Alors il parle aussi de la liberté, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de tout vous raconter. Alors, troisième point qui me semblait important pour comprendre la logique, si j'ose dire, de construction de cette institution singulière, qui est le Familistère de Guise, c'est que la condition de réussite, ça a été le fait d'avoir un succès industriel à la base. C'est-à-dire que les conditions d'une forme d'utopie relativement réussie sur le plan de l'égalité sociale, avec des tas de iota qu'on pourra remettre, hein, c'est que ça marche sur le plan industriel. Alors, ça marche sur le plan industriel. Je ne vais pas vous embêter avec tous les chiffres, mais je vous rappelle donc qu'il est à la tête d'une usine qui fait quelques 4000 m² de surface. C'est vraiment de la petite production métallurgique, parce qu'on fabrique des appareils donc, de chauffage domestique et des fourneaux. Alors, parmi l'élite ouvrière de l'usine Gaudin, ce sont les mouleurs. Vous voyez, c'est les gens qui portent ces gros moules qui ressemblent à des pipes, et donc qui récupèrent de la fonte en fusion et qui vont les mettre après dans des moules. Et après, on démoule et ça nous donne donc les appareils domestiques. Donc ça, c'est vraiment le cœur, si j'ose dire, du travail ouvrier aux usines Gaudin. Et à côté de ça, il y a plein d'autres fonctions productives qui tournent autour de ça. Il y a des ajusteurs, il y a des râpeuses, qui sont plutôt des fonctions de type féminine, c'est-à-dire que lorsque la pièce sort du moule, il y a des tas de petits, ça s'appelle d'aspérités, donc il faut râper, et c'est ça plutôt les femmes qui font ce genre de boulot. Et puis, il y a un encadrement également important. Alors, bon, je me suis intéressé à toute une série de variables économiques que je vais ne pas évoquer là, mais ce que je voudrais dire, c'est, parce que c'est plus important, c'est que très tôt, Gaudin a une intuition, je trouve, assez forte, consiste à dire que pour pouvoir être bon sur le plan économique, la stratégie ne consiste pas à compresser les coûts salariaux. Si nos gouvernements pouvaient encore nous entendre, mais bon, donc lui, il fait d'autres choix. D'abord, premier choix, donc fidélisation de sa main-d'œuvre, et donc en ayant des taux de rémunération supérieurs à ses concurrents, donc ça permet de stabiliser la main-d'œuvre. Bon, ça c'est un premier choix. Et deuxième choix, c'est de jouer la carte de la qualité de la production au dépens des prix. Alors, j'ai trouvé par exemple, vous voyez, des données qui permettent de comparer les prix des produits Gaudin avec ses principaux concurrents, et grosso modo, il est au moins à des prix similaires, voire supérieurs. Mais ce qui fait qu'il s'en tire, c'est que, comme il joue la carte de la qualité de la production, il vend malgré tout. Et donc, c'est un vrai succès économique que cette stratégie-là, parce qu'en 1880, il est le premier sur son segment de marché. Donc, c'est vraiment une réussite économique de type mondial, qui est effectivement réalisée par Gaudin. Et ça, c'est le fait, notamment, d'avoir fait deux choix sur le plan technologique qui ont été déterminants. Premier choix, c'est de passer du fer à la fonte dans la façon de fabriquer ces appareils, notamment ces appareils de chauffage, puisque la fonte a un rendement calorifère, je ne sais pas comment on dit, enfin vous comprenez, supérieur au fer. Et puis, deuxième chose, c'est de faire des beaux objets. Alors, c'est un peu coûteux pour les ouvriers parce que c'est émaillé. Et donc, les ouvriers s'en prennent plein la poire quand ils émaillent. Donc, ils ne restent pas plus de 15 jours dans l'atelier. Enfin, ils mettent des masques de pompiers, mais ça ne sert pas à grand-chose, etc. Mais, en tout cas, sur le plan économique, ça marche. Parce que, je ne sais pas si vous voyez encore les objets Gaudin aujourd'hui, c'est extrêmement beau. C'est très cher, mais bon, ça marche. Et deuxième choix qu'il fait, c'est de diversifier sa production. Donc là, j'ai pris tous les catalogues Gaudin. Au fil des années, j'ai calculé, vous savez comme moi comment ça peut, un simple graphique parfois peut-être trop long, donc là c'est quelques heures de sueur pour calculer les trucs, mais on voit bien qu'il y a une stratégie de diversification. Donc il ne fait pas simplement des appareils de chauffage ni des appareils de cuisson, il fait un peu d'autres choses. Alors par exemple, vous voyez, il fait des torréfacteurs à gaz, bien que j'aime particulièrement bien, c'est le crachoir rond à cuvette mobile et à roulette. Bon, donc vous voyez, il y a l'idée, c'est qu'on va diversifier la gamme de production, et ça lui assure des parts de marché extrêmement conséquentes, le tout appuyé sur une stratégie de diffusion de sa production, par le biais de catalogues, y compris anglais, qui sont déposés chez les quincailliers à travers toute la France. Voilà. Voilà. Ça c'était la. Et donc ça lui permet effectivement de pouvoir financer tout ce qu'il va faire du point de vue du bien-être de ses ouvriers, et donc d'instituer le familistère. Donc c'est ça que je voudrais dire en dernier lieu, le familistère, et puis après je vais rentrer davantage dans le détail de sa régulation. Le familistère, donc Gaudin lance les premiers travaux du familistère en 1859, donc premier bâtiment en 1859, et voilà, dans Solutions sociales, c'est la planche du bas, la façon dont il se représentait le familistère. Donc ça c'est la représentation, c'est pas la réalité. Et vous avez en haut, vous reconnaissez peut-être, c'est un phalanstère, et ça c'est version Victor Considérant. Alors, ce qui apparaît très clairement, c'est qu'il y a déjà une homologie, mais quand on lit Godin, Godin dit, attention, hein, je ne veux pas faire du copier-coller simple, je suis très pragmatique, il faudra 20 ans en réalité entre le temps du lancement des premiers travaux et l'achèvement du bâtiment, hein, donc ça ne va pas se faire en une année. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une homologie, d'abord une homologie sémantique au départ. Au départ, ce fameux ministère, Godin l'avait appelé le palais du travail. C'est quand même une façon intéressante hein, de le nommer. Donc, en écho au souci de l'école sociétaire, de permettre aux ouvriers d'avoir accès à n'importe quel palais, à commencer par l'équivalent du château de Versailles, quoi, hein. Donc, qui reproduisent, les phalanstères, reproduisent la logique architecturale d'ensemble. On retrouve le fait qu'il y a des coursives protégées, donc on peut circuler dans l'ensemble des bâtiments sans subir les injures du temps. Il y a une cour centrale, il y a trois étages. Donc là, vous voyez, c'est une version en coupe des bâtiments, des pavillons du fameux ministère. Et une chose à laquelle, par exemple, Godin était extrêmement attentif à tous les détails architecturaux de ces bâtiments. Et un détail qui est important, c'est la hauteur des fenêtres. Alors, comme vous le voyez peut-être, au rez-de-chaussée, les fenêtres sont plus hautes que tout en haut. Et en fait, la taille des fenêtres diminue au fur et à mesure qu'on monte les étages. Et l'idée, c'est que comme on a à faire des plafonds de verre tout en haut, la lumière vient naturellement davantage en masse et en volume dans les étages supérieurs que dans les étages inférieurs. Et donc, pour assurer l'égalité dans l'accès à la lumière, il fait varier, hein, la taille des fenêtres. Dans l'ensemble des bâtiments. Alors, ce qui n'est pas surprenant, c'est que on retrouve à cette période des préoccupations hygiénistes, comme on en trouve ailleurs. Vous connaissez certainement Ligeia, hein, c'est Richardson, je crois, le papa de cette utopie urbanistique, aussi, c'est-à-dire on va inventer une ville où tout est hygiénique, quoi, hein, donc des grandes artères, des arbres, des planchers en bois, etc., etc. Donc, on va retrouver au Familistère, dans l'institution du Familistère, toute une série de préoccupations de type hygiénique, à commencer, ça m'arrive des fois, c'est que quand je parle, il y a Siri qui se met en marche. Voilà, donc je repris la main. Donc, ça, c'est l'intérieur d'un pavillon du Familistère. Vous voyez, vous avez des espèces de bouches d'égout, et en fait, ça renvoie à des tunnels qui donnent vers l'extérieur, de manière à ce que l'air puisse circuler en permanence, hein, dans la cour. Et le plafond, c'est le plafond de verre, il y a un petit écart entre le plafond et le reste des murs, ce qui fait que l'air peut circuler. Hein. Donc il y a une préoccupation relative à ça. Alors l'eau est également une préoccupation centrale dans la gestion hygiénique des bâtiments de vie. Godin ne voulait pas que les personnes dans leur espace de vie, des espaces familiaux, hein, ils vivaient par cellules familiales, puissent laver le linge pour des raisons hygiéniques. Donc il a construit une buanderie un peu au-dessus du Familistère, et cette buanderie était alimentée en eau chaude par l'eau qui venait d'usine. Donc il y avait un recyclage de l'eau, et les femmes, parce que c'était quand même genré, bien sûr, le travail, pouvaient venir laver le linge. Mais à chaque étage, dans le Familistère, il y avait quand même des fontaines d'eau où on pouvait venir chercher de l'eau. Hein. Donc ça, l'eau, ça en présente. La lumière centrale. Là, vous avez des photos de l'intérieur des pavillons du Familistère. Il y a une vraie esthétique, hein, vous voyez, dans ces bâtiments. En tout cas, les photographes qui ont travaillé sur le Familistère ont souvent choisi de mettre en exergue, hein, cette luminosité des bâtiments. Je ne sais plus qui a écrit le verre et le matériau roi à la fin du XIXe siècle, parce que c'est un moyen. Enfin, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein, de voir la saleté, la misère, la pauvreté et la déviance et de la contrôler, quoi. Et donc, le Familistère n'échappe pas à cette logique architecturale. Et donc, il y a cette idée qu'il faut voir les choses. Et donc, on met en pleine lumière les bâtiments d'habitation. Et la nuit, vous aviez des becs de gaz, hein, qui fonctionnaient également pour qu'on puisse voir en permanence ce qui se passait dans les bâtiments. Voilà, donc air, eau, lumière, etc. Tous les ingrédients hygiénistes sont extrêmement présents dans la vie et dans la façon dont a été pensé le Familistère. Alors, ça m'amène maintenant au deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est rentrer davantage dans les formes de l'institution familistérienne et regarder toute une série de choses et qui renvoient à la petite grille que vous avez proposée tout à l'heure sur ce que j'appelle, en tout cas sociologiquement, l'institution. Alors, première question qui va de soi, c'est est-ce qu'on a affaire à une forme de paternalisme, hein, alors, vous connaissez probablement le travail de, comment s'appelle, Françoise Debry, qui avait fait un travail sur toute une série, je crois, entre 250 entreprises paternalistes en France à la fin du 19e siècle, et qui avait repéré trois types de paternalisme, matériel, moral et politique. Et dans son échantillon, on était plutôt 60% du côté matériel, c'est-à-dire que des préoccupations d'entrepreneurs privés qui avaient une pratique paternaliste pour pouvoir subvenir aux besoins de tout ordre de la vie de leurs ouvriers. Hein, je pense à Bata, enfin tout ce que vous voulez. Deuxième registre d'action paternaliste, c'est le fait qu'on se préoccupe en tant que capitaine d'industrie de fournir une morale d'action à ses ouvriers. Et donc, et Godin ne s'en prive pas, hein, il fait des sermons, romans à date régulière, etc. Et puis, le politique, on se sent investi de la responsabilité de porter les intérêts politiques en étant, comme l'a fait Godin d'ailleurs, maire, conseiller général, etc., etc. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le familistère de Guise, en fait, convoque ces trois registres à la fois. C'est-à-dire Godin est, d'une certaine manière, le paternaliste par excellence, même s'il est socialiste, hein, ce n'est pas un problème. La question matérielle est présente, la dimension morale et la dimension politique également. Donc, on a une forme de paternalisme achevé, d'une certaine manière, dans la façon dont Godin mène sa barque. Alors, s'il y a une forme de paternalisme qui... alors, je voudrais juste... oui, non, j'y reviendrai après. Dire que le paternalisme ne signifie pas pour autant que la matière humaine, si j'ose dire, à laquelle a affaire Godin, est complètement homogène. Alors, la première chose à dire, c'est que tous les ouvriers qui travaillent dans l'usine de Godin, qui est juste à côté du familistère, ne sont pas logés au familistère. Hein. Au meilleur temps, il y a eu un tiers, grosso modo, des ouvriers de l'usine qui avaient avec leur famille au sein du familistère. Donc il y a un clivage quand même. Hein. Ils ne couvraient pas l'ensemble de la population. Et au sein même du monde des familistériens, il y avait une hiérarchie extrêmement importante entre les associés et les auxiliaires en passant par toute une série de statuts intermédiaires. Les associés, grosso modo, c'est des gens qui avaient des actions de l'entreprise, qui pouvaient intervenir dans les assemblées générales, qui avaient toute une série d'avantages matériels associés, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Et plus vous descendez, moins les gens avaient de droits. Et les auxiliaires, ça serait nos CDD ou nos intérimaires d'aujourd'hui. Hein, c'est des gens qu'on va embaucher ponctuellement dans l'usine et puis qu'on va refouler lorsqu'on n'en a plus besoin. Donc il y a une hiérarchie extrêmement forte. Et sans vous surprendre, j'ai fait des petits calculs statistiques un peu élémentaires pour regarder est-ce que le fait d'être ouvrier ou employé avait un impact sur la chance d'être plutôt en haut ou en bas dans la hiérarchie statutaire. Et toute chose égale par ailleurs, plus vous êtes employé, donc côté des cadres on dirait aujourd'hui, hein, plus vous avez de chance d'être en haut de la hiérarchie et donc après ça descend, quoi. Alors j'ai fait toute une série de tests comme ça, statistiques, parce qu'on a quand même pas mal de données sur les niveaux de rémunération également, selon que vous êtes associé, sociétaire, etc. Et avec un petit 2 élémentaire, on peut bien voir qu'il y a des variables prédictives liées donc à votre statut. Voilà. Alors, je ne vais pas vous embêter non plus. Enfin, j'ai fait toute une série de travaux sur la politique de rémunération. Et on retrouve des courbes assez classiques du côté de la politique de rémunération des ouvriers. Il y a une courbe en gauche avec les mieux payés, ce sont les mouleurs, donc la hiérarchie ouvrière, hein, de l'entreprise. Et puis, aux extrêmes, vous avez des gens qui n'incarnent pas la noblesse ouvrière des mouleurs, par exemple les ajusteurs qui sont moins bien payés, et des autres qui sont les auxiliaires qu'on va payer à coup de lance-pierre quand on en a besoin. Et du point de vue des employés, des cadres, on a une courbe de Pareto classique, quoi. C'est-à-dire que plus vous montez, moins il y a de gens qui sont super bien payés, quoi, pour le dire. Enfin, qu'importe. Alors, ce qui m'a plutôt intéressé, c'est la construction de l'identité, les formes de reconnaissance au familistère. Alors, première chose, c'est que lorsqu'on regarde la sémantique qui est utilisée par Godin, et par ailleurs, et ça c'est un problème, mais alors c'est pas des historiens que je vais l'expliquer, c'est que, au fond, on a beaucoup de choses dans les archives sur la parole de Godin qui est retranscrite. Mais la parole ouvrière, elle, en revanche, elle est largement tue. Parce que il y a une grosse partie des gens qui ne manient pas la plume. Enfin bon, la légitimité n'est pas là. Donc, pour moi, c'est un vrai problème méthodologique. Que bon, Alors, ce qui est vrai quand même, c'est que dans les quelques traces d'archives où on voit les ouvriers du phénicien prendre la parole, la métaphore du père est souvent mobilisée. Hein. Godin, c'est notre père. Hein, et lui-même se représente comme étant une forme de pater pour ses ouvriers. Je me suis intéressé aussi à la façon de produire de l'identité du point de vue du genre. Là, il y a un matériau assez intéressant sur lequel j'ai pu travailler et qui est lié au fait que Godin militait pour le travail féminin. Il ne souhaitait pas que les femmes ouvrières restent au familistère et puis vaquent uniquement à des tâches domestiques. Et donc, en 1885, il crée une bonneterie en disant « on va mobiliser les femmes et on va les faire travailler hein ». Alors, il y a une quarantaine de femmes qui ont été ainsi mobilisées dans cette bonneterie. Et dans les archives, on trouve toute une série de cahiers avec les appréciations et la façon de qualifier la performance de ces femmes dans cette bonneterie. Hein. Si je représente ça de cette façon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs registres de qualifications qui sont proposés, des qualifications professionnelles, performant par performant, des qualifications, plutôt personnelles, vous voyez, pas vil, impossible, caractère léger, inconsistant, etc. Et première remarque, je dirais, c'est qu'il y a un écart entre l'idéal socialiste, précisément de l'histoire des idées, des gens qui vont apprendre au fourrier, au pied de la lettre, etc., puis la pratique hein, de ces espaces productifs, y compris inspirés par Fourier, où on voit qu'il y a des formes de qualification extrêmement méprisantes pour les... Alors c'est vrai, parce que ça passe par la contre-maîtrise, hein, mais Godin n'était pas plus tendre avec ses ouvriers. Et la chose peut-être la plus importante, c'est que pour les femmes, l'identité, elle est toujours médiée. Elles sont toujours filles de quelqu'un ou femmes de quelqu'un. Hein, donc la production sociale de l'identité des ouvrières, dans ces registres-là, c'est toujours, elle n'existe que par la médiation d'un homme. Hein, donc ça, c'est intéressant de voir comment, y compris dans ces espaces utopiques, et on prône l'égalité, il reste quand même dans l'analyse des pratiques ordinaires et de présentation ordinaire, ce filtre-là qui reste quand même un filtre hiérarchique extrêmement important. Alors, Godin a aussi eu des innovations intéressantes en matière de promotion de la démocratie industrielle. Et je crois que c'était un des premiers, mais je ne suis pas sûr, hein, à prendre au sérieux, vous savez, la notion de talent chez Fourier. Je vous rappelle que pour Fourier, il y a trois facteurs de production. Le capital, le travail et le talent. Ce qui, entre parenthèses, me fait toujours rire quand j'entends des managers contemporains qui nous expliquent qu'ils ont découvert le talent après les compétences. Alors, si ça avait été un Fourier, moi, je vais faire la parenthèse. Mais donc, Godin prend au sérieux l'idée que, finalement, ce qui est juste, c'est non pas une égalité absolue, mais c'est une égalité méritocratique. Donc là, on est dans l'école fourieriste classique. Hein. Et donc, la question, c'est de savoir comment rémunérer de façon méritocratique les gens, et notamment pour prendre en compte le talent, donc le mérite individuel. Et Godin suit les traces de Fourier, puisque Fourier nous dit « Le talent, on peut en faire émerger l'importance et l'imputer à des individus par le biais du vote. » Donc on va voter entre nous, et puis on va par le vote, va nous dire qui est le plus talentueux. Et donc dès 1867, Godin met en place un système de vote à l'intérieur des ateliers, en disant « Je vous donne une somme à vous répartir entre vous, et puis vous votez ». Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que là, il faudrait 2 heures, hein, parce que c'était très, très compliqué. Mais je te dis juste les conclusions principales. C'est que, première conclusion, en fait, on s'aperçoit que les gens ne vivent pas le vote sur le mode que voudrait Godin. C'est-à-dire que, grosso modo, quand les gens commencent à voter, au tout début, dans les premières expérimentations, ils votent pour eux. Donc, c'est quand même pas faire. Ou bien ils se mettent d'accord entre eux, pour pouvoir se renvoyer la balle pour voter. Ou bien, troisième chose, qui est assez intéressant, ils ont des conceptions de la justice qui ne sont pas forcément celles de la justice de Godin. Ils disent « celui-là n'est pas bien payé, et donc on va voter pour lui pour pouvoir écraser hein, les hiérarchies salariales ». Donc là, il y a une façon de réinvestir complètement la signification de l'égalité dans l'univers productif qui a été... Alors finalement, Godin, je ne rentre pas dans le détail, hein, parce que ça sera assez long, finalement, il renonce... à cette démocratie industrielle, et puis il va se contenter très souvent de remettre des beaux diplômes, hein, comme vous avez là, à l'occasion des fêtes dont je vais vous parler dans un instant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on peut regarder dans les archives, regarder toutes les stratégies. Bon, voilà. Deuxième chose que fait Godin, en suivant Fourier également, c'est de créer des petites séries élémentaires de production. Vous savez, Fourier était un obsédé des séries élémentaires. Hein. Il y avait les gens dans les phalanstères qui allaient s'occuper des roses, et puis il y avait les spécialistes des roses blanches, spécialistes des roses vertes, etc. Donc Godin fait la même chose, mais avec l'idée que cette mise en place de groupes élémentaires va devoir servir à la mise en évidence d'innovations qui vont bénéficier après à l'entreprise. Donc il crée une usine à gaz, enfin bon, là aussi je ne rentre pas dans les détails, mais inspiré directement des principes de Fourier, et puis ça ne marche pas très bien, et grosso modo, là encore, plus les gens sont placés haut dans la hiérarchie productive, plus ils sont impliqués dans cette affaire, et un des constats que j'ai pu faire en regardant les archives, c'est que grosso modo, plus vous étiez haut dans la hiérarchie, plus vous aviez des chances que votre innovation passe la barre des différents filtres dans l'organisation et puisse voir le jour. Et deuxième résultat, un peu plus surprenant, c'est que ceux qui sont le plus attentifs aux conditions de production, ce sont les employés, mais que ceux qui ont le plus d'idées du point de vue de la technologie, du design, etc., ce sont les ouvriers. Hein. Donc l'imagination, elle est vraiment en bas, quoi. Et bon, voilà. Alors, ça ne marche pas très bien. Et Godin, finalement, en 1878, il dit, bon, bah, les principes fourieristes, ça ne marche pas, j'arrête tout, et j'y vais au forceps. Et donc, en 1880, il crée une association, qui est l'association du capital et du travail, qui est aussi un principe fourieriste, mais c'est lui qui prend la main, et il oblige ses ouvriers à devenir propriétaires de l'usine. Je dis, il oblige, parce qu'au départ, les ouvriers ne veulent pas. Et on comprend pourquoi, parce qu'on leur dit, au lieu d'avoir une augmentation de salaire, vous allez avoir un bout de papier qui représente une part sociale de l'entreprise. Donc il y a une résistance ouvrière extrêmement forte au fait de devenir eux-mêmes propriétaires des moyens de production. Malgré tout, ça marche. Et en 1894, les ouvriers sont copropriétaires avec Godin de l'usine. Alors, je voudrais finir sur qu'est-ce que ça veut dire être intégré au familistère et les règles de vie. Alors, première chose, et ça renvoie, je pense, directement à votre problématique, le familistère, c'est un petit monde. Donc, vous avez là le plan. Donc, tout ce qui a été réalisé, c'est tout, sauf le bâtiment sur la gauche, D en bas à gauche. Hein. Donc, vous avez trois pavillons d'habitation. Vous avez en face, là, la cour, un théâtre avec des écoles à côté. Derrière, c'était au départ une nourricerie. En bas à droite, c'est les économas, où les gens pouvaient venir acheter un peu n'importe quoi. Il y avait un restaurant, etc. Vous avez l'Oise. De l'autre côté de l'Oise, il y a une piscine avec un plancher en bois qui peut varier, parce qu'on peut remonter le plancher pour éviter que les gens se noient. Hein, parce que, bon, donc, et puis, il y a l'endroit où on lave le linge en face, et juste à côté l'usine. Donc voilà, donc c'est vraiment un espace qui est quand même un espace ouvert, parce qu'il n'y a pas de... On peut circuler, il n'y a pas de problème, mais travail, famille, tout ça est intégré dans ce même espace-là. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des économas, hein, où les gens pouvaient venir faire... les femmes pouvaient venir faire leurs courses, et pour Godin, c'était important, parce que comme beaucoup d'employeurs de cette période du XIXe siècle, un des soucis qu'il avait, c'était gérer le problème de la Saint-Lundi. Et donc, pour gérer le problème de la Saint-Lundi, une stratégie que met en place Godin, c'est d'inventer une propre monnaie, donc la monnaie familistérienne, c'est-à-dire qu'il payait ses gens à partir de la monnaie locale, et donc ils allaient dans les économas, et donc du coup, il n'y avait pas de problème d'aller dépenser son argent dans les troquets, etc. Le seul problème, c'est que très vite, il y a eu un marché, si j'ose dire, secondaire de la monnaie familistérienne, et que les gens qui tenaient des bistrots et des troquets acceptaient cette monnaie-là, et donc allaient après changer cette monnaie au familistère. Donc il y a eu une espèce de déviation, hein, par rapport au projet initial. Et donc du coup, Godin, qui n'était pas la moitié d'un idiot quand même, a changé son fusil d'épaule, et il est passé par un système de chéquier. Donc il y avait des comptes qui étaient ouverts au profit des ouvriers dans les magasins du familistère, et là, vous voyez, le problème était d'une certaine manière résolu. Et lorsque vous regardez les chiffres, vous voyez, les ventes au comptant et les ventes avec carnet, ben, ça a été un succès. Hein. Donc il a réussi à intégrer d'une certaine manière, à discipliner, si j'ose dire, les comportements de consommation pour éviter que les ouvriers aillent acheter à l'extérieur. Le familistère a aussi très tôt été pionnier du point de vue du système de protection sociale. Hein, donc il y a toute une série de caisses qui se sont succédées dans le temps. Les premières, assez classiquement, comme dans d'autres entreprises, c'était des caisses de solidarité, mais qui étaient alimentées pour l'essentiel par des amendes qui étaient infligées aux ouvriers qui étaient en retard. Et donc avec ces amendes, on alimentait ces caisses de solidarité. Et ce qui est intéressant, deuxième remarque, c'est que, il y a eu des conflits pour savoir si oui ou non on devait étendre la solidarité aux femmes. Et donc les hommes, au départ, hein, quand Godin a proposé d'étendre les caisses de solidarité aux femmes, les hommes ont résisté. Ça s'est fait quand même, mais il y a une résistance masculine assez importante. Alors, ce qui relève au fond de cette économie morale hein, du familistère, c'est non seulement la consommation, mais c'est aussi l'éducation. Et donc le familistère est un endroit où les enfants sont pris en charge quasiment depuis l'âge de 15 jours jusqu'à l'âge de 14 ans, hein, voire plus. Donc il y a un système éducatif extrêmement développé qui correspond à la façon dont Fourier voyait les choses en termes de différenciation par classe d'âge. Et c'est Marie Moret qui a eu pendant très longtemps la haute main sur ce système éducatif local, qui a rencontré des tas de soucis avec le ministère de l'Instruction publique parce que Godin avait mis en place des classes mixtes, donc ce qui ne plaisait pas du tout, et donc il y a eu des gros soucis. Et par ailleurs, Marie Moret et Godin avaient des contacts privilégiés avec Marie-Pape Carpentier, donc la fourriériste qui a inventé les classes maternelles en France, de manière à introduire, au fond, des formes d'éducation pédagogique alternative au sein du familistère. Donc c'était vraiment un lieu d'éducation assez intéressant, mais où on retrouve toute une série de préceptes, et notamment les préceptes méritocratiques. Pour vous donner un exemple, chaque jour, lorsque les enfants traversaient la cour pour aller des pavillons jusqu'à l'école, ils changeaient d'ordre de rang, et donc les plus méritants étaient devant, et ensuite c'était par classement. Mais c'était par mérite, non pas absolu, mais relatif. Grosso modo, si vous étiez passé de 4 à 6 en maths, vous étiez placé devant celui qui était passé de 17 à 18 en maths. Hein? Donc, mais il y a une mise en scène du mérite qu'on va retrouver dans les rituels journaliers qui vont structurer ce type de pratique de la vie quotidienne. Alors, je vous disais, dès le départ, les gamins sont pris en charge. Alors, Godin était très fier de son berceau, que vous avez en bas à droite, là. Alors bien sûr, l'armature était en fer forgé par les usines Godin, mais il avait inventé un matelas de son. Et l'idée, c'était de dire que si un gamin ou une gamine urine, en fait, c'est assez facile de bouger le son et puis on est aussitôt sec, quoi. Et donc ça, il y a des tas de petits trucs comme ça qui étaient centraux dans la façon de penser l'éducation. L'institution familistérielle, c'est aussi tout un ensemble d'espaces et de moments dédiés à la gestion collective des temps non travaillés. Alors le premier, c'est les jardins ouvriers. Au départ, Godin était contre les jardins ouvriers, mais finalement, c'était une demande de la part de ses ouvriers, il a accepté. Et réflexion faite, dit-il, c'était pas plus mal. Pourquoi ? Parce que les gens étaient au grand air, ça permettait d'alimenter les magasins du familistère avec des fruits et des légumes. Et puis, dit-il, ça permettait de créer de l'émulation entre les ouvriers. Parce qu'on retrouve chez Godin cette idée que la concurrence, comme chez Fourier, c'est un principe de mise au travail extrêmement importante pour permettre aux gens de cohabiter ensemble. Donc l'émulation, ce n'est pas simplement l'émulation dans le travail, c'est aussi, je vais vous parler des fêtes dans un instant, lorsqu'il y avait des fêtes, les gamins qui faisaient, je ne sais pas quoi, qui lançaient des cerceaux sur des bouteilles, tous les jeux étaient associés à des prix. On ne faisait jamais rien gratuitement. Donc, c'est pas vraiment du jeu, mais enfin, comme ça qu'ils pensaient les choses. Donc, il y a toute une série d'associations qui prennent en charge également, en dehors du temps de travail, les familistériens et les familistériennes. Il y avait un club de tir à l'arc, un club de théâtre, orchestre, etc. Et puis, il y a un superbe théâtre également, dans lequel, non seulement il y avait des pièces qui étaient proposées, mais aussi souvent, Godin rassemblait, en fait, tout son petit monde, et faisait des sermons politiques à n'en plus finir. Alors, tout cela sur fond souvent de fêtes, et il y a eu deux grandes fêtes qui rythmaient la vie familistérienne. La première fête qui a été lancée en 1861, si ma mémoire est bonne, qui était la fête de l'enfance, donc on célébrait les enfants, et puis en 1865, la fête du travail, 65 ou 67, j'ai un petit doute, Et voilà, vous avez une gravure qui représente la première fête du travail qui s'est passée donc au Familistère. Et alors, Gaudin était quand même le centre d'attention, hein. C'est-à-dire absolument pas des fêtes à la Rousseau. On sait, chez Rousseau, les fêtes, c'est... on se regarde tous, il n'y a pas de point central. Hein. Là, il y a un point central qui est Gaudin. Et l'idée, c'est que ben, on met en scène la récompense et le mérite du travail. Et donc, c'est là qu'on remet les prix, les diplômes qui vont récompenser et puis tout ça sur fond d'un hymne, hein, notamment un hymne au bénéfice du travail. Voilà. Alors, je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il est 6 heures et il s'est passé des tas de choses, mais j'essaie de tenir le temps pour être pour pas manger sur ma collègue. Voilà, je m'arrête là, puis je pense qu'on aura de merci quoi discuter. Alors, on avait encore un petit peu de temps, parce que d'habitude... Ah d'accord, ok. À 18h, c'est 18h30. Hein, ok, est, alors si je peux dire... 18h15, parce que c'est un peu le temps. Okay. Là, si vous avez encore 5 minutes... Ah oui, bah, c'est parfait, alors très bien. Dans ce cas-là, si je peux vous dire des choses sur les règles de vie, parce qu'en plus, je pense que ça vous intéresse directement. Alors, parmi les équivalents de la richesse, Gaudin mettait en avant la notion de liberté. Hein, donc, à côté de l'hygiène, à côté de la question politique, à côté de l'information, il dit c'est important que les gens soient libres dans l'espace. Bon. Alors, on y reviendra parce que ça, c'est pas à vous qui êtes spécialiste de la question, je vais le dire, mais ce qui est toujours frappant, c'est les réactions des gens qui viennent. Je ne sais pas si vous avez déjà été au Familistère, mais il faut y aller un 1er mai, hein, allez-y, c'est, on en reparlera peut-être, mais il y a toujours un sentiment extrêmement clivé. Soit les gens disent c'est génial, soit en disant c'est l'institution disciplinaire dans toute son incandescence, parce que, comme vous l'avez vu, les gens vivaient les uns sur les autres, on entendait ce qui se passait dans les logements d'à côté, etc. Donc Gaudin dit quand même, hein, moi je suis pour la liberté. Mais en fait, à un moment donné, c'est vers 1880, lorsqu'on passe le cap des 1000 habitants au Familistère, je crois que le maximum c'était 1200 personnes qui ont vécu ensemble, hein, dans le lieu, il y a des problèmes de dysfonctionnement. Il y a des gens qui ne respectent pas les règles, il y a des ordures à droite. Et donc, il met en place un règlement intérieur. Mais c'est assez tardif, hein, en réalité, ce règlement intérieur. Donc, avant 1880, ça n'existait pas. Et ce règlement intérieur est associé à toute une série de sanctions financières. Hein, donc, si vous avez lavé le linge dans les fontaines qui sont au bout des couloirs dans les pavillons d'habitation, vous n'avez pas le droit, paf. Si vous laissez traîner des ordures, tac. Donc, il y a toute une série de sanctions financières qui sont liées. Voilà, pour les enfants en bas âge qui font leurs ordures sur le sol du cabinet, 25 cents, etc., etc. Donc ça, c'est un premier... Alors, dire le règlement intérieur ne dit rien en soi, hein, on est bien d'accord. Hein, bon. Alors, il y a un deuxième dispositif pour réguler la vie dans le Familistère, c'est ce que Gaudin appelait les avis. Alors, les avis, c'était des affichettes qui étaient apposées dans l'ensemble du lieu de vie, avec toute une série de fonctions, et notamment fonctions d'avertissement, au regard des personnes qui étaient en situation de décalage par rapport aux normes exigées. Hein. Voilà, par exemple, un avis à Madame Poulet, qui avertit que ce n'est pas au Familistère qu'une femme se fait monsieur en faisant du bruit dans son ménage. Voilà. Bon, typique, hein, le type d'avis qu'on retrouve, et qui sont une façon de publiciser, donc de mettre en public des comportements qui sont des comportements déviants, pour pouvoir essayer de remettre les gens dans... Bon. Alors, là aussi, c'est difficile de savoir. Enfin, je pense que l'observation, a priori, est le seul moyen. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un travail d'analyse de contenu de 292 avis qui ont été affichés au Familistère entre 1862 et 1868. C'est toujours hein. Nominatif, les avis. Pardon ? C'est toujours nominatif, les avis. Non, pas sûr. Regardez, en fait, il y a des avis très généraux, en réalité. Hein. Donc, les avis, c'est juste l'affichette. Hein. Mais ça peut être nominatif comme ça ne peut pas l'être. Et donc, en réalité, lorsqu'on fait l'analyse de contenu élémentaire de ces avis, 70% sont plutôt de type informatif. Le boucher va passer la semaine prochaine et il va découper un cheval, venez, etc. Et donc, il y a toute une sémantique qui est associée. Il y a des avis plutôt de type incitatif. Et donc là, la sémantique, elle est simple. Hein, sont prévenus qu'eux, ils rappelaient qu'eux, etc. Ça renvoie notamment à la gestion des espaces publics. Et puis, il y a des avis qui sont proprement punitifs, et sur l'ensemble des avis que j'ai pu analyser, il y en a simplement 10%. Et j'ajouterais que l'essentiel de ces avis punitifs ce sont essentiellement les auxiliaires, en fait, qui sont concernés. C'est-à-dire, je vous rappelle, les CDD ou les intérimaires, hein, qui viennent là, qui ne connaissent pas les règles de vie, qui déplacent les lits, on les met au troisième étage, ils déplacent les lits, ça fait du bruit, ils font pipi partout, enfin, etc. Donc, et c'est eux qui sont souvent en ligne de mire. Donc, j'ai juste une question. Oui, je vous en prie. La vie qui concernait Mme Poulet, oui. Du coup, vous le rangez dans un citatif Oui. Et le fait qu'il soit nominatif et affiché public. Alors, il y avait une gradation dans les avis qui désignaient les gens. Au départ, c'est anonyme, et après, on prévient la dame de façon nominale, et après, on applique la sanction. D'accord. Ouais. Juste une petite question. Vous avez étudié ces avis, mais est-ce que dans les archives au CNAM, il y a des dénonciations? Parce qu'on imagine bien que Godin ne va pas, dans chaque appartement, vérifier que Mme Poulet fait du bruit avec son... Oui, oui. Non, j'ai pas vu de lettre de dénonciation parce que, comme je disais tout à l'heure, les écrits du CNAM sont essentiellement les écrits du côté Godin. Et donc, les traces écrites de la part des femmes mystériennes sont extrêmement faibles. Donc ça, c'est un vrai. Une faute est connue, enfin, est-ce qu'il y a une police intérieure? Non, il n'y a pas de police intérieure. C'est pas le processus. Non, ça je sais pas. Oui, ça je sais pas. Alors, je pense que, ceci dit, alors, deux choses. Un, les employés, les cadres vivaient à l'intérieur. Hein, donc, il y avait ce. Godin les responsabilisait, donc ça peut être. Mais ça, je sais pas répondre, parce que je pense que les archives ne le disent pas. Et deux, Godin ne se privait pas pour prendre la plume directement, pour écrire aux gens en disant votre gamin, alors ça passe par l'instit dans ce cas-là par exemple, hein, dans le cadre éducatif c'est l'instit qui est le relais qui dit votre gamin il vient pas, il fait pas d'efforts, etc. Et Godin écrit directement à la famille pour pouvoir se plaindre auprès des parents du fait que le gamin n'est pas à la hauteur des attentes éducatives, quoi. Voilà. Alors je sais pas quoi, je sais plus où on en est dans le temps, donc. Ouais, ok. Alors je vais finir. Voilà, pourquoi pas en disant que dans la rhétorique de Godin, alors je vais finir avec ça, ce petit schéma que j'aime bien, la rhétorique de Godin, Godin a fait une présentation de son expérience auprès d'une commission du ministère de l'Intérieur, j'ai oublié la date, excusez-moi, mais j'ai fait l'analyse de contenu de son discours, et il dit « il y a deux forces qui structurent le monde social, l'égoïsme et la fraternité ». Alors c'est assez amusant parce que on peut, à partir de cette structure sémantique qui est au cœur de sa rhétorique, relire d'une certaine manière l'architecture, la façon dont est construit le familistère. Il y a le monde de l'usine, qui est le monde de l'égoïsme, parce que c'est le monde de la production marchande, du profit, etc., et qui renvoie à une conception du travail où on dépense de l'énergie, de la sueur, parce que le monde des ouvriers, et notamment des mouleurs, c'est un monde dur. Il y a la séparation de ce monde-là avec le monde du palais, qui est le monde de la fraternité et du familistère. Et là, ce qui est assez amusant, c'est que pour Godin, le travail est la matrice de tous les comportements qu'on doit après décliner dans le monde extra-productif. C'est-à-dire qu'à l'école, dans la famille, etc., on doit reproduire toute une série de comportements qui relèvent de l'efficience que l'on trouve, qu'on est censé trouver dans l'univers productif. Et lorsque vous regardez après l'agencement du familistère, on retrouve cette opposition permanente entre ce qui relève du monde de l'égoïsme et ce qui relève du monde de la fraternité. Les pavillons, c'est le monde de la famille, donc c'est le monde du repli sur soi, versus le monde de la communauté, si ça veut bien marcher, voilà. Vous allez trouver les économas, les écoles, etc. Et au sein même de ces mondes-là, on retrouve cette tension entre l'égoïsme et la fraternité, puisque dans les pavillons, vous avez les cellules familiales dans lesquelles vivaient les gens, et puis la nourricerie, où on met en commun les enfants. Et de la même manière, de l'autre côté de la cour, eh ben, on va retrouver l'opposition entre l'économat, c'est les achats domestiques, mais qui s'oppose au monde de la fraternité, des écoles, du théâtre, etc. etc. Donc voilà comment Godin met lui-même en scène la construction de son univers familistérien, et comment on peut relire, c'est une hypothèse de travail, l'incarnation, si je veux dire, j'ose pas dire en chair et en os, mais plutôt en brique, puisque le familistère est en brique rouge, de cette représentation du monde où s'opposent d'un côté l'égoïsme et de l'autre côté la fraternité que lui-même essaie de promouvoir. Bon, je vais peut-être m'arrêter là.